Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 19h. dizem os passarinhos. Amanhã o dia não vai despertar. Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus 106,6 et c'est l'émission estivale de Soigne ta gauche, angle d'attaque. Émission spéciale, un petit peu en dehors de la trame annuelle, et puis qui va traiter d'un sujet en particulier, le nucléaire, ou plus précisément les déchets nucléaires. Je le fais un peu sans notes, hein, là je dois dire, donc je vais me remettre rapidement dans le bain. Nous avons donc un format un petit peu particulier pour cette émission test de l'été. Un format avec comme invité une association, ou plutôt un réseau, le réseau Sortir du Nucléaire, par la personne de Laura Hameau. Alors attends, Laura, je vais te permettre de dire bonsoir à tout le monde. Voilà. Bonsoir Laura. Bonsoir. Et puis une personne qui est là comme visiteuse, j'ai cherché dans le dictionnaire, le terme existe, donc notre visiteuse qui est Claudia. Bonsoir Claudia. Bonsoir. Et donc avant de commencer vraiment l'émission, on va passer sur un petit peu de musique pour se mettre dans le bain. J'espère pas avoir fait trop de bêtises jusque là, voilà. Et puis donc à tout de suite sur le thème des déchets nucléaires. Donc, rebonsoir à tous, angle d'attaque, soigne ta gauche, 106,6, vous êtes sur Radio Campus. Une émission donc estivale avec nos deux invités que je vous ai présentés juste avant. Donc, je complète un petit peu. Claudia, tu es notre visiteuse. Tu vas amener un petit peu de candeur aux questions que je pourrais poser par surtout ta grande curiosité. Et donc, tu peux intervenir quand tu veux, tu peux couper la parole, tu peux revenir sur des choses qu'on a dit un peu avant, si tu as voulu prendre du temps pour réfléchir à tes questions. Et donc, Laura, je vais commencer par quelques premières questions. Donc, tu fais partie du réseau Sortir du Nucléaire, et j'étais assez surpris. Sortir du Nucléaire, c'est un réseau, non pas une association, comme la plupart des invités que nous pouvons avoir ici. Quelle est la différence? Et puis on pourra enchaîner ensuite peut-être sur des sujets qui me portent à cœur en rentrant un petit peu dans l'art sur la politique française du nucléaire, la politique en Afrique aussi. Enfin bon, présente-nous donc si tu veux bien sortir du nucléaire. Alors le réseau Sortir du Nucléaire, eh bien, comme son nom l'indique, est un réseau. En fait, nous avons le statut d'association, mais nous sommes une fédération d'associations locales. Alors le réseau Sortir du Nucléaire a été créé en 1997 par des groupes antinucléaires locaux qui ont voulu à un moment donné se rassembler et se fédérer pour aller au-delà de leurs combats locaux et puis pour essayer de mener une lutte contre le nucléaire à l'échelle nationale, de mutualiser leurs idées, leurs forces, leurs moyens. Et donc ce réseau existe depuis maintenant 15 ans. Il est constitué d'un peu plus de 930 associations et puis 57 000 individus. On s'occupe bien évidemment de la thématique du nucléaire dans son ensemble et puis de sujets plus précis. L'association a pour objectif en fait à la fois d'informer le public et les pouvoirs publics, de les interpeller, de mener des campagnes donc d'information, de sensibilisation, mais également des campagnes de dénonciation, hein, des manœuvres du lobby ou des agissements souvent masqués de l'industrie nucléaire. Puis nous menons également des campagnes de mobilisation. Et donc là, l'association organise ou coordonne, cela dépend des fois, des mobilisations à l'échelle nationale. Alors soit des actions ponctuelles, par exemple lors de passages de convois nucléaires, où on organise des petits rassemblements à tous les points du trajet, ou alors parfois de grands rassemblements, comme ça a été le cas en mars dernier, où nous avons organisé une chaîne humaine entre Lyon et Avignon, qui a réuni 60 000 personnes. Oui, voilà. Et puis d'ailleurs, sur cette antenne, nous nous étions fait le relais de cet événement qui a marqué pas mal la communauté donc altermondialiste. Enfin, en tout cas, on en a beaucoup parlé ou entendu parler. Claudia, oui. Alors, moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, là, vous êtes énormément d'associations. Et comment est-ce que vous faites pour vous mettre d'accord et pour décider, en fait, tous ensemble? Donc, comme toute association, on a un conseil d'administration qui fonctionne en collégial. Donc, c'est un statut un peu particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de président, de secrétaire. Bon, on a un trésorier, bien évidemment, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un dans le conseil d'administration qui prenne ce rôle qui est un peu particulier. Mais sinon, on est organisé en collégial, donc c'est-à-dire que tous les administrateurs sont coprésidents. C'est au lieu d'emprunter le modèle habituel et un peu pyramidal des autres associations, là c'est vraiment un modèle d'organisation, je dirais, horizontal. Donc nous avons normalement 9 administrateurs titulaires, 9 administrateurs suppléants qui sont des représentants des associations locales qui sont membres de notre réseau. Et donc ce conseil d'administration a la charge à la fois de définir la stratégie de l'association et puis de prendre les décisions courantes dans l'année, on va dire, avec une équipe salariée et puis tout un réseau de militants derrière. Et puis sinon, il y a des temps différents dans l'année. Donc on a évidemment l'Assemblée générale annuelle, hein, qui a un moment de rencontre et de décision. Et puis ensuite, on a différents moments de discussion, notamment des rencontres où on discute stratégie et où on programme les actions des mois à venir. D'accord. Ça, je vais amener doucement le thème de l'émission, je suis désolé. Alors je voudrais savoir finalement comment le réseau Sortir du Nucléaire, quel est votre point de vue sur la politique française en termes d'énergie nucléaire. Et donc le nucléaire, il faut savoir que c'est surtout des matières fissibles, donc des matériaux de mines qu'on va chercher le plus souvent, enfin en tout cas depuis plus de 20 ans à l'étranger et surtout sur l'Afrique, en Afrique pour la France, par des consortiums tels Areva ou bien l'ensemble des activités du groupe Bolloré qui domine à la fois la côte, enfin les ports et puis les réseaux de chemin de fer africains. Ah, je voudrais savoir si le sujet te plaît, en tout cas, ce que vous en pensez. Alors, il faut bien se rendre compte que le modèle français est un modèle bien particulier. Hein. La France a fait le choix du nucléaire dans les années 60. Initialement, c'est un choix d'origine militaire, puisque le nucléaire a d'abord été mis en place pour faire la bombe nucléaire. Puis ensuite, la France est entrée dans un programme de nucléaire civil. Il faut bien se rendre compte que On est vraiment dans un cas particulier. La France dépend à plus de 70%, près de 80%, 78% exactement, de l'électricité d'origine nucléaire. On est une exception en Europe. On est le pays le plus nucléarisé au monde, si on rapporte ça au nombre d'habitants. Mmh. Sinon, on est le deuxième. Hein. Il y a les États-Unis qui ont 114 réacteurs, puis la France. Nous, 58. Hein, voilà, c'est ça. Nous, 58. Mmh. Puis ensuite, le Japon, qui en avait 54 en fonctionnement avant la catastrophe de Fukushima. Qui a décidé de presque tout arrêter, de tout arrêter dans un premier temps et d'en remettre en service. Au moins, tout arrêter dans un premier temps pour faire les vérifications nécessaires suite au tsunami et à l'accident nucléaire majeur de Fukushima. L'argument, c'est donc un argument sécuritaire là-bas. Enfin, je ne savais pas. Hein. Pour l'instant, en tout cas, oui, c'est le cas. Et donc, je disais qu'on était vraiment dans un modèle tout à fait particulier. En France, on est très dépendant de l'énergie nucléaire. Ça a été un choix politique et a été fait le choix de ne pas diversifier, en fait, notre bouquet énergétique et notre manière de produire l'électricité. D'autres pays ont toujours fait autrement. Hein. Par exemple, l'Autriche, qui n'a jamais eu recours au nucléaire. C'est même inscrit dans sa constitution que l'Autriche n'aura pas recours à l'énergie nucléaire. Certains de nos voisins en sont sortis, comme l'Italie dans les années 90. On ne peut pas dire que ces pays soient entre guillemets des pays sous-développés et qui n'arrivent pas à produire leur électricité, loin de là. Et puis, depuis la catastrophe de Fukushima, on voit bien que de nombreux pays autour de la France sortent. Donc on est vraiment dans un modèle particulier et même, je dirais, un mythe qui est construit en fait par plusieurs phénomènes. On a finalement une double hégémonie. Tout d'abord, je dirais, des chefs d'État et des chefs de gouvernement qui ont traditionnellement été favorables à l'atome. Hein. Les décisions concernant le nucléaire se sont toujours prises au plus haut niveau de l'État. Ça a été décidé par le général de Gaulle. Puis le programme a été continué par Valéry Giscard d'Estaing, Pompidou étant mourant. Donc on a vraiment déjà ce phénomène de chefs d'État qui sont traditionnellement favorables au nucléaire. Et puis ensuite, un réseau d'influence et un poids des lobbies qui est énorme. Alors qui est énorme à plusieurs raisons. On a d'abord un corps qui est constitué majoritairement de personnes venant de l'école des mines. Donc un pôle, en fait, qui croit d'une manière infini dans la science et qui a un côté très scientiste. Hein. Et puis, derrière ça, derrière ce corps, tout un tas de phénomènes, notamment au sein de l'Assemblée nationale. Alors, on a déjà beaucoup de désinformation des députés qui sont censés prendre les décisions. Cette désinformation se fait en grande partie à travers un organisme qui s'appelle l'Office des choix scientifiques et techniques, l'OPEST. Donc c'est un organisme composé de députés et de sénateurs qui est censé éclairer nos décideurs et nos députés et sénateurs sur les grands choix qui peuvent engendrer, je dirais, des controverses sociotechniques. Ah oui. Ou en tout cas sur les grands choix scientifiques pour les années à venir. Donc ça comprend notamment le nucléaire, les OGM, les nanotechnologies. Ah oui, oui, oui. C'est un autre sujet qui intéresse également Attaque. Je suis désolé de te couper la parole. Je voudrais que tu en gardes un petit peu pour la fin, parce que c'est vrai que qui prend les décisions, c'est un thème sur lequel je souhaiterais qu'on revienne un peu en fin d'émission. Mais par contre, je voudrais qu'on parle un peu de ton sujet de prédilection, tu m'avais dit, les déchets nucléaires, enfin en tout cas je l'ai compris ainsi, mais on va se retrouver juste après une petite pause musicale, donc on va passer Duval MC, Sortir du nucléaire, un hommage à l'association. Depuis qu'on parle de l'hiver nucléaire pour les hommes, est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de l'automne? Méfions-nous, l'empire de la thune veut encore exploser l'atome. Ils craignent les énergies qui coûteraient 3 centimes. Au début des 60s, les USA ont poussé la France à d'y laisser. Contrat de nucléaire civil soit des centrales au grand jour et la bombe en secret. Alors ici encore on fait des watts avec, même si c'est un gouffre économique. 300 milliards de subventions publiques pour terre et rien pour l'écologique. Leur but est de vendre des trucs à neutrons, faire croire que c'est propre. Les crétins vont croire qu'on a dompté les protons. À travers les plaines de l'Hexagone, il y a encore 58 réacteurs, des chapes fêlées pesant 10 000 tonnes. Des incidents presque tous les jours. Arriva au Niger, dans ces mines d'uranium, contaminer les villages sans que des gars l'analysent. Sur nos routes, on envoie des convois de plutonium, de quoi niquer des régions dans des camions qu'on banalise. Et même si les trois quarts de l'Europe stop, que le monde entier attend qu'on démantèle, ils font le PR et les ouvriers se tapent. Des journées de ouf au cœur des centrales. Désolé pour ta confiance, ta précieuse insouciance. L'endroit le plus dangereux du globe et peut-être en France. Un seul réacteur pète et la région est dévastée. Sur 100 km à la ronde on serait condamné. Et d'autres plus lentement verront leurs reins ne plus fonctionner, leurs peaux se décomposer, leurs os se désagréger. 26 avril 86, Tchernobyl a explosé, l'Europe est contaminée, l'URSS est ruinée. Les plantes, l'eau, les sols, l'air et les murs sont irradiés. Là-bas, les enfants monstres hurlent leur humanité. La structure atomique en braque et détraquante et son impact est invisible et nous comporte un paquet de tracas cliniques. On en mesure à peine, les conséquences sont grêles. On va compter encore les dégâts et pas qu'en Ukraine. Du 16e 137 en Corse, des brebis difformes en Écosse et des milliers de gens qui carburent au Levothyrox. En PACA, tu sais, y'a tarpin de thyroïde en galère. De l'Hérault jusqu'au Mercantour, il n'y a pas que mon père. 60 000 tonnes de déchets par an. On enterre les outils, les machines irradiées. On enterre les combinaisons, les gants pollués. On enterre plus de place à la galore dans l'aube. On enterre et ces abrutis osent dire que leurs sarcophages sont sûrs que durant plus de 20 millions d'années ça va tenir. On laisse le problème à nos arrières, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, petits enfants. Le seul pays au monde autant équipé nucléaire et le plus grand consommateur en antidépresseurs. Désolé, le tableau est bien sombre, mais il est clair qu'il faut le dire et vite enfin sortir du nucléaire. On me fait comprendre, voilà, je ne parlais pas. Vous êtes sur Angle d'attaque, soigne ta gauche, 106,6 sur Radio Campus. Donc une émission estivale sur le thème des déchets nucléaires en compagnie de Laura et Claudia. Et nous allions aborder, la chanson nous a un petit peu aiguillé, le thème des déchets nucléaires. Les déchets nucléaires, donc qu'est-ce que c'est? Ça peut prendre plusieurs formes. D'ailleurs, dans la chanson, on entend des gants irradiés. Bah oui, ça peut avoir un peu toutes les formes d'ustensiles qui servent dans les centrales ou dans les centres de recherche. Ma question, c'est un peu, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on en trouve? Où est-ce qu'on en rencontre? Près de chez nous, peut-être? Et puis... on switchera sur peut-être une autre série de questions juste après, Laura. Alors les déchets nucléaires, tout simplement, c'est les matières et matériaux qu'on retrouve à l'issue du processus de fission dans le réacteur. Donc pour faire fonctionner un réacteur, on insère dedans ce qu'on appelle des barres de combustible, et une fois qu'elles ont été utilisées, usagées dans les réacteurs, on se retrouve avec tout un tas de déchets, notamment du combustible usé. Et donc ces déchets sont de différents types. On parle de déchets de faible activité, moyenne activité et haute activité. Donc là, c'est pour avoir un ordre d'idée de l'activité radioactive, des émissions radioactives de ces déchets. Et puis ensuite, il y a des déchets à vie courte, à vie moyenne ou à vie longue. Et donc, on entend souvent parler, par exemple, de déchets HAVL, qui sont des déchets de haute activité à vie longue, ou alors des FAVL, qui sont des déchets de faible activité à vie longue. C'est des acronymes, ça, pour perdre la population? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. Et même souvent, en route, on perd le mot déchet. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et donc ces déchets, on en trouve de différents types. On peut en trouver sous forme liquide, gazeuse. Quand il s'agit de rejets radioactifs dans l'environnement, on peut considérer ces matières comme des déchets. Et puis sinon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a notamment le combustible usé qui est une majeure partie des déchets produits par nos centrales nucléaires. Alors le combustible usé, qu'est-ce que c'est? Comme je vous le disais tout à l'heure, à l'issue du procédé de fission dans les réacteurs, on a ces barres usagées. Et en France, on procède à une opération qui s'appelle le retraitement. Le retraitement, ça consiste, sans rentrer dans des explications trop techniques, à séparer les différents radioéléments, les éléments chimiques et radioactifs qui sont contenus dans ce combustible usé. Et donc, à l'issue de ces opérations de retraitement, on se retrouve avec... les déchets dont vous parliez tout à l'heure, par exemple les ustensiles, tout ça, qui ont été en contact avec le combustible usé, soit dans les centrales, soit pendant les opérations de retraitement, tout ce qui peut être les outils, les objets, les gants, les combinaisons, etc. Et donc ils en contiennent sous forme de poudre ou l'irradiation, les transforme. Oui, ou contaminés, exactement. Tout ce qui est en contact, de près ou de loin, avec... de la matière radioactive va lui-même devenir un déchet puisqu'il va être lui-même radioactif. Et donc, le combustible usé, pour revenir à cette explication, on le sépare en différents radioéléments. On se retrouve avec, en majeure partie, à peu près 95% de l'uranium de retraitement. Ensuite, on se retrouve avec 1 à 2% de plutonium et puis avec 3 à 4% de ce qu'on appelle les produits de fission et acnéline mineure. C'est là-dedans, dans les produits de fission et acnéline mineure. Alors, on est au sein de la fac de sciences. Peut-être que des personnes verront ce qu'il y a derrière ce gros mot. Mais pour les courageux qui sont restés sur l'île ou qui nous écouteront un podcast un peu plus tard. Toujours est-il que ces produits de fission et acnéline donc contiennent la majeure partie de la radioactivité, 99,9%. Ces déchets-là, ce qu'on en fait, c'est qu'on les coule dans du verre. Et c'est ce qu'on appelle la vitrification. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, si vous avez entendu parler, par exemple, des transports de Lague, de l'usine Areva de Lague à Gorleben en Allemagne, qui font souvent grand bruit parce qu'il y a beaucoup d'actions et de mobilisation, c'est ce type de transport. On transporte des déchets qui ont été coulés dans du verre et dont on ne peut plus rien faire. Alors, selon Areva, il n'y a que ça qui est des déchets. Ça, c'est des déchets ultimes. Areva et l'industrie reconnaissent que ça, on ne peut plus rien en faire. D'accord, bloqué dedans, voilà. On ne sait pas les retraiter plus. Exactement. Or, on s'aperçoit que ce qui est seulement réutilisé, recyclé selon l'industrie, c'est le plutonium, c'est 1 à 2%, qui est effectivement réutilisé, soit pour l'armement, soit pour faire du MOX, oui, fabriquer MOX, du nouveau combustible. Mélange d'oxyde, c'est ça ? Voilà, on mélange du plutonium, de l'oxyde de plutonium et de l'oxyde d'uranium naturel. Et ça, on sait le réutiliser dans des centrales ? Le MOX, oui. Ouais. Mais donc, c'est 1-2% du plutonium. Ah, et oui. Ensuite, les 95% d'uranium de retraitement dont je parlais tout à l'heure, eh bien, jusqu'à présent, on les envoyait en Sibérie, en Russie, pour se chauffer, je suppose. Alors, soi-disant, c'était pour refaire du nouveau combustible. Or, on s'est aperçu que quasiment tout cet uranium de retraitement, en fait, était stocké à ciel ouvert dans les plaines de Sibérie. Et ça a notamment fait l'objet d'un excellent reportage de Laure Noilla et Eric Guéret qui s'appelle « Déchets, le cauchemar du nucléaire » et qui fait toute une enquête, justement, sur que sont ces déchets, où vont-ils, et puis qui dénonce, justement, ce scandale du dépôt de nos déchets en Russie. D'accord. Donc, l'industrie disait que c'était réenrichi pour faire du nouveau combustible. Or, c'était stocké à ciel ouvert dans les plaines de Sibérie sans aucune protection. Donc voilà un peu un panorama des différents déchets qui existent. Et puis ensuite, eh bien, il y a tout ce qui est central, qui tôt ou tard... Ça, c'est un gros déchet. Ouais, alors ça, c'est un gros déchet, les centrales. Tôt ou tard, il va falloir les démanteler. Donc en France, on a 58 réacteurs en fonctionnement. On a d'autres anciens réacteurs qui sont arrêtés. On essaie de faire des tests. J'y viens, on essaie de faire des tests sur la centrale de Brignilly, en Bretagne. Oui, voilà, c'est en Bretagne. Ça fait des années qu'on a commencé le démantèlement. Il a dû être arrêté à de nombreuses reprises pour justement des problèmes dans le chantier. En fait, on ne s'est pas vraiment démantelé. Il y a un gros débat entre les partisans de démanteler rapidement pendant que le combustible est encore chaud et encore très radioactif, ce qui nécessite une technologie très poussée. Il y a les partisans de « on attend pour démanteler ensuite, laisser refroidir le combustible et la radioactivité baisser un peu ». Et puis il y a les partisans de « on laisse comme ça et on ne touche pas parce qu'en fait c'est pire ». Au plus on touche, au plus on crée de volume de déchets, puisqu'à chaque fois ce qui est en contact pour les opérations de démantèlement, de démontage, de décontamination devient aussi un déchet. Même les produits chimiques qui vont rentrer en contact... soit pour décontaminer, soit pour retraiter, ça devient aussi un déchet. En plus d'être un déchet chimique, ça devient aussi un déchet radioactif. Mmh. Merci. T'as donné beaucoup d'exemples. C'est vrai que tu m'as pris un peu de cours. J'avais des questions à ce sujet-là. Tu parlais d'un des moyens qui est considéré, en tout cas par EDF ou bien l'agence pour le nucléaire. Tu peux peut-être me rappeler son nom, je ne sais plus. La SFEN, la Société française de l'énergie nucléaire, peut-être, qui a un énorme lobby, oui. Ils estiment donc que c'est un déchet final. En tout cas, eux ne peuvent plus rien en faire. Mais il y a aussi une autre technique, si j'ai bien compris, c'est l'enfouissement, mais l'enfouissement profond. Ouais. L'enfouissement sur des centaines de milliers d'années. Et j'ai en tête, en tout cas je le conseille à beaucoup de personnes, un film qui est un film danois concernant une centrale norvégienne ou suédoise, tu me disais tout à l'heure. Finlandaise, ah voilà, je suis désolé de confondre tous les pays scandinaves, il faudrait que j'y fasse un saut et puis ça me le ferait un peu moins. Donc un film qui est sous forme d'un reportage avec une sorte de parti pris artistique qui ressemble un petit peu à 2001, l'Odyssée de l'espace. Et qui nous met face à... qui ramène l'être humain à sa petite échelle, à une espèce parmi les espèces qu'a connu la Terre, face à une sorte de rêve prométhéen du feu sacré, et puis son immaturité à maîtriser le nucléaire. Donc c'est un film assez beau à voir. Et on y voit aussi des scientifiques muets et perdus dans des projections à 250 000 ans. Puis c'est la durée de mise en quarantaine des déchets pour pouvoir les retrouver, peut-être pas de manière inerte, mais au moins de manière moins dangereuse. Et puis, parce que leur but, c'est quoi ? C'est de protéger les hommes, dans un premier temps, la Terre, et puis peut-être les espèces qui lui succéderont, parce que 250 000 ans, c'est bien trop loin pour que l'espèce humaine ait survécu. Enfin, en tout cas, on peut le voir ainsi, quand on sait que... l'être humain, c'est 200 000 ans, la civilisation, c'est 20 000 ans, et puis les premières villes, la sédentarisation, c'est 6 000 ans. Donc ça nous remet vraiment à une échelle de rien du tout, alors que le nucléaire, on l'utilise là depuis 50, 60 ans, quoi. Voilà. Donc ma question, c'est un peu sur l'enfouissement des déchets. Là, je parlais de Into Eternity, donc c'est un projet qui s'appelle, je ne sais plus... je vais peut-être le retrouver. C'est, ouais, ça se prononce pas en fait, c'est pour ça que je le savais pas. C'est Onkalo au Danemark, enfin non, pardon, en Finlande. Et il y aurait donc, il y avait, paraît-il, un autre projet en France qui s'appelle Bure, près de Dijon. Alors c'est dans la Meuse, hein, en dessous de Bar-le-Duc. Ah d'accord. Donc c'est à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne. Bure, c'est un projet d'enfouissement. Il faut savoir qu'en en France et dans le monde, en fait, il y a pas mal de soi-disant techniques pour gérer les déchets nucléaires. Aujourd'hui, en France, on a quelques centres qui sont installés, qui sont des centres qui accueillent en fait les déchets pour l'instant de faible activité et de moyenne activité à vie courte. Après, on a disséminé un peu partout des déchets aussi. Et l'enfouissement, c'est destiné à ces déchets dits ultimes, justement, donc les déchets vitrifiés qu'on a coulés dans du verre pour les emprisonner et réduire leur volume, et puis essayer eh bien, qu'ils ne s'en aillent pas, on va dire, hein, que la radioactivité ne se disperse pas. Et puis aussi les déchets de moyenne activité à vie longue, donc notamment les déchets compactés, hein, ce qui a été en contact avec le combustible usé, qui est du coup irradié, contaminé, qu'on va aussi compacter pour réduire son volume. Et donc ces déchets-là, aujourd'hui... on souhaiterait les enfouir à 500 mètres sous terre. Alors, c'est le thème de ce film, Into Eternity, et c'est également un projet hein, qui existe en France, donc, comme on disait tout à l'heure, à Bure, dans la Meuse. Alors, ce projet, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est à la fois un centre d'enfouissement qui fait à peu près 15 km carrés, où on va enfouir tous ces déchets les plus dangereux, ou en tout cas où l'industrie souhaite enfouir les déchets les plus dangereux, à 500 mètres sous terre. C'est également une installation où on va conditionner ces déchets pendant quelques dizaines d'années, en attendant qu'ils perdent un peu de chaleur, qu'ils perdent un peu de radioactivité, parce que s'ils sont trop chauds, ils ne vont pas pouvoir être enfouis. Il y aurait des risques de déformation de la roche, de surchauffe, etc. Et puis ensuite, un gros centre aussi de ventilation pour ventiler l'air en permanence. Donc en gros, on souhaite enfouir ces déchets à 500 mètres sous terre pour les mettre finalement loin des yeux, loin du cœur. Et puis voilà, on les enfouit finalement pour ne plus les voir et on présente ça comme une solution. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de solution pour s'occuper et faire disparaître les déchets nucléaires. Les déchets nucléaires ne disparaissent pas par magie. Ouais, d'ailleurs, ce genre de projet, on n'en entend pas vraiment parler. Enfin, on en entend parler parce que tu es là ou lorsqu'on s'y intéresse. Mais il n'y a pas eu de débat démocratique autour de cette question. Alors que Into Eternity le montre bien, c'est une question qui nous touche, nous, les suivants et les suivants encore. C'est un peu la question que je vais te poser ensuite, mais on va faire une mini pause musicale avant de se retrouver. Et puis donc on abordera donc le thème un petit peu du tabou autour du nucléaire, du silence qui l'entoure et puis du choix démocratique. Un sarcophage de béton, triste présage, macabre nom. Une fragile chape de plomb pour un futur nommé Armageddon. Armageddon. Les maisons, le ciel, la terre, les hommes, les enfants, les rivières, les animaux, la vie entière ont disparu dans la poussière. La poussière nucléaire, nucléaire. Tchernobyl respire encore, le ventre n'est pas encore mort, doit surgir la sombre aurore. Monstre invisible qui dévore. Les apprentis sorciers d'hier sont toujours bien vivants, prospères. Les marchands d'armes sont milliardaires. Et EDF nous éclaire. Nous éclaire. être pervers pour inventer ce feu d'enfer qui fera demain sur la terre tomber un éternel hiver. Bienvenue, 106.6, c'est l'émission Soigne ta gauche, angle d'attaque. Nous traitions donc des déchets nucléaires en compagnie de l'association du réseau, oh là là, Sortir du nucléaire, et Claudia, notre visiteuse du soir. Et donc, nous venions de dire que le problème finalement crucial, c'est le problème de la démocratie sur ces thématiques. Le débat est inexistant. Et puis, finalement, on a aussi cette question du tabou, de cette omerta, la loi du silence. Que faut-il en penser ? Donc, j'aimerais savoir. Claudia, oui ? Oui, moi, en fait, j'ai une question. Donc, tu expliquais tout à l'heure le site d'enfouissement des déchets. Et du coup, je voulais savoir par rapport aux habitants et comment ça se passe, en fait, comment le projet est accueilli ? Alors, comment le projet est accueilli ? Ben, ça dépend si on se place du côté des opposants. Il y a fort heureusement des opposants, notamment une maison qui s'appelle la Maison de la Résistance à la Poubelle Nucléaire de Bure, qui existe depuis 2004 et qui rassemble tout un groupe de militants. Alors, elle est gérée par une association qui s'appelle Bure Zone Libre, et cette Maison de la Résistance appartient à Bure Zone Libre et au réseau Sortir du Nucléaire. Et c'est un lieu d'accueil, de formation, de rencontres militantes, et puis qui a évidemment destination à être un lieu de lutte dans les années à venir pour lutter contre le projet d'enfouissement de Bure qui arrive en fait à sa phase industrielle. On est passé du projet de laboratoire à un centre, à vraiment un projet de centre d'enfouissement. Pour les habitants, c'est autre chose parce qu'on assiste vraiment en fait à une désinformation. Déjà, c'est une zone qui est très peu peuplé. Le village de Bure, c'est 92 habitants. Et c'est toujours la même chose. Pour les projets nucléaires, on va vraiment chercher les petites zones les moins peuplées. Il y a même des cabinets d'études qui sont grassement payés pour étudier la manière dont on peut facilement, en tout cas plus facilement, s'implanter dans un territoire. Donc cibler un territoire rural, cibler tel type de population. Et puis ensuite, il y a des techniques. Donc on essaie de créer une mono-industrie en essayant d'installer quelques petites usines qui sont liées au nucléaire, de sorte qu'en une ou deux générations, tout le monde dans sa famille a quelqu'un qui travaille dans le nucléaire. Ensuite, il y a énormément de financement de la part de l'industrie nucléaire. Alors, ce n'est pas directement du porte-monnaie d'Areva au porte-monnaie de Madame Michu, mais si vous allez, par exemple, du côté de Flamanville, La Hague, qui est dans l'ouest de la France, où il y a énormément d'industrie nucléaire, tous les petits villages sont magnifiquement rénovés grâce aux fonds de l'industrie. En fait, ça passe par des fonds de rénovation et puis ensuite qui vont à la commune. À Bure, il y a une salle des fêtes à 1 million d'euros pour 92 habitants. Du mécénat qui finalement constitue un alibi. Oui, voilà, un alibi, puis une manière aussi de, clairement, d'acheter les élus. Ouais, c'est ça, on achète leur silence. Et j'avais d'ailleurs été interpellée par une élue qui est autour de Flamanville, qui déclarait dans un reportage qui s'appelle La presqu'île au nucléaire, il me semble, où en fait, elle disait que, quand on voit toute cette manne d'argent arriver, on ne se pose peut-être pas toutes les questions qu'on devrait se poser en tant qu'élu. parce que ça permet par exemple d'avoir une piscine olympique de longueur accrochée, hein, donc ça, 50 mètres pour des petits villages qui n'auraient même pas de piscine sans une installation nucléaire près de chez elles. Donc voilà, il y a déjà tout ce phénomène d'achat. Et puis ensuite, évidemment, le nucléaire a toujours échappé au débat démocratique. On en parlait. Mais voilà, t'en parlais tout à l'heure. Les décisions sont prises au plus haut niveau de l'État. Il y a aussi cet effet du corps des mines, cette croyance vraiment inéluctable dans le progrès technique. Et puis, être persuadé en permanence qu'on va trouver des solutions. Alors, ça fait 50 ans qu'on nous promet des solutions pour les déchets, on n'en a pas. Ça fait 50 ans qu'on nous dit la fission, on la maîtrisera dans 10 ans. C'est une autre méthode de nucléaire. Eh bien, on ne la maîtrise toujours pas. Mais qu'est-ce que j'entendais récemment, le futur, ce serait les centrales au thorium. Il y a même un livre qui vient de sortir là, qui s'appelle « L'atome vert ». Ça doit être encore de la poudre aux yeux, ça. Oui, c'est toutes ces centrales de quatrième génération qui utiliseraient plus de déchets qu'elles n'en produiraient. Donc, on serait dans un magique cycle infini où on n'aurait même plus besoin d'uranium qu'on va chercher en Afrique, notamment, ou dans d'autres contrées lointaines où à chaque fois on exploite les populations indigènes et où on pille les peuples autochtones, clairement. Et puis ensuite, il y a tout ce processus de réseau d'influence, de lobby. Alors, on le disait tout à l'heure, la désinformation avec l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, où on retrouve toujours les mêmes parlementaires qui ont des collusions avérées avec l'industrie nucléaire. Il y a des élus qui se font clairement la courroie de transmission de l'industrie nucléaire. Par exemple, si on veut en revenir à la question des déchets, il y a donc Bataille, qui est un député du Nord, bien de chez nous, qui s'est donné un peu pour mission de trouver une solution aux déchets nucléaires, parce que lui, il a bien compris que les déchets, c'était un des talons d'Achille de cette industrie. Et donc, dans les années 90, il s'est fait le fer de lance de l'enfouissement. Il a démarché de nombreuses communes pour les convaincre d'accueillir un centre. Quand Bure a été sélectionné en 94, si je ne m'abuse, il s'est imposé comme le président de la commission locale d'information, alors qu'il n'est même pas élu local. Donc voilà, on a affaire à tout ce type de processus. On a des politiques qui sont des lobbyistes aussi, par exemple Dominique Strauss-Kahn, qui entre deux mandats de député a été lobbyiste pour EDF, de métier, oui. On est lobbyiste pour EDF de métier. C'est la même chose à l'étranger, par exemple, on a pu voir dernièrement la clique Sarkozy, l'Auvergeon et Balkany aller un peu dans plusieurs pays d'Afrique pour à chaque fois vendre des contrats pour Areva en grande partie. Ah, mais la France-Afrique, c'est pas fini. Ah non, la France-Afrique, c'est évidemment pas fini. L'uranium, quand on entend que l'uranium le nucléaire contribue à l'indépendance énergétique de la France. Personnellement, ça me fait doucement rire quand on voit que toutes les mines d'uranium en France sont fermées depuis des années et qu'on va chercher cet uranium en grande partie au Kazakhstan, en Afrique, en Australie. Donc non, la France-Afrique, ce n'est pas fini. Et justement, l'histoire du nucléaire est intimement liée à l'histoire de la France-Afrique. Et là-dessus, il y a une association remarquable qui s'appelle Survie, qui travaille sur ces questions, sur les questions de l'exploitation des ressources en Afrique, de la France-Afrique, et avec qui on collabore justement sur cette thématique des mines, du vol des populations locales, des populations Touareg, en l'occurrence. Oui, le Mali, par exemple, c'est là où on trouve un grand nombre de mines d'uranium. Également, à ciel ouvert, en plus. Le Mali, oui, tout à fait. Au Niger, au Mali, c'est à ciel ouvert. Donc on est vraiment avec des grosses entreprises qui vont piller les ressources de pays. Et puis finalement, c'est aussi grâce à ça, quelque part, que ces entreprises et puis que nous-mêmes, on se développe un peu grassement. Donc des entreprises comme Areva, le groupe Bolloré aussi, qui s'implante dans de nombreux pays d'Afrique qui sont justement impactés ou intéressés par ce trafic de l'uranium, en tout cas par lesquels transite l'uranium. Voilà, c'est toujours finalement les mêmes processus pour différentes matières, on va dire. Puisque l'uranium n'est moins que rien une matière première, initialement. D'accord. C'est justement par des réseaux et des associations comme Sortir du nucléaire qu'on peut se regrouper, penser, au moins commencer à penser ces sujets-là, arrêter de se croire démunis et puis pouvoir avancer ensemble, amener ces sujets au débat démocratique par les biais qui, pour l'instant, nous sont ouverts, oui, ou ceux qu'on pourrait prendre, si nécessaire, de force. Enfin, je ne pousse pas à la violence plus que ça. En tout cas, sortir du nucléaire, c'est aussi beaucoup de sources d'informations. Je pense, entre autres, à la grande carte de France qui montre qu'aucune région n'est exemptée du rapport au nucléaire. C'est une carte qui montre donc les centrales, qui montre aussi les centres de test, d'enfouissement, les anciennes mines d'uranium, les sites sur lesquels ont été répandus des déchets. Et puis, sortir du nucléaire, c'est aussi beaucoup de littérature. Enfin, je suppose. Moi, je me réfère beaucoup à la littérature, j'aime bien. J'espère qu'il y a aussi, je sais pas, des DVD peut-être. Ouais. Il y a des DVD, on n'est pas obligé de lire. Donc oui, il y a le réseau Sortir du nucléaire. On essaie d'informer au maximum. Et puis, on essaie vraiment de travailler en collaboration étroite avec tous les groupes locaux qui constituent notre fédération et notre réseau. Parce qu'en fait, un réseau, ça veut bien dire un réseau de groupes et un réseau de gens. Hein, et le réseau Sortir du nucléaire serait rien sans ses sympathisants. D'ailleurs, on est en permanence à la recherche de bénévoles, donc à la fois pour aider à nos activités quotidiennes, mais également pour nous aider à surveiller les installations, à surveiller les convois de déchets qui passent. Donc on est tout à fait preneur d'informations. Si vous vous rendez sur notre site, sortirdunucléaire.org, vous verrez comment nous contacter facilement et nous aider à soit faire ce travail de mobilisation, soit pour savoir comment rejoindre un groupe près de chez nous. Et puis, je voudrais aussi lancer un petit appel pour la maison de Bure. Parce que donc la maison de Bure lutte contre ce projet d'enfouissement des déchets les plus dangereux. Et la maison est en permanence à la recherche de personnes qui accepteraient de venir y vivre pour quelques mois, pour jouer le rôle de permanent, animer les activités de la maison et puis les chantiers, parce qu'elle est en permanence en rénovation, puisqu'à la base c'était une maison un peu en ruine. Et évidemment, pour mener des actions, pour participer au fonctionnement quotidien de la maison. Et puis, si on n'est pas disponible quelques mois, on peut aussi y passer quelques jours, une semaine de temps à autre, pour aider à toute l'activité militante. Pourquoi pas pour participer au festival qu'on organise prochainement, là, les 13 et 14 septembre, à la Maison de Bure, avec des conférences, des projections, notamment sur le thème des déchets, pas que, en présence des réalisateurs souvent. Avec des spectacles, des concerts, etc. Donc n'hésitez pas si vous voulez être bénévole. Peut-être que je peux donner l'adresse mail de la maison de Bure. Attends, si tu veux, on va juste faire la mini pause musicale finale et puis on revient. On va donner des dates, on va donner les différentes informations qui peuvent nous rester. À tout de suite. La commission du même nom. T'es trop en avance. La Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on en a mes consciences, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement. Et voilà, et ça nous donne peut-être une vague idée de solution pour résoudre tous ces conflits. Donc on en était à donner les informations que donc les auditeurs pourraient retenir pour nous contacter le réseau Sortir du Nucléaire. Tu avais un site internet entre autres. Ouais. Alors donc le site du réseau, c'est sortirdunucléaire.org. Et puis pour contacter la maison de Bure, donc il faut écrire à l'adresse lehérissonvengeur@gmail.com. Et sinon, il y a un blog, burzoneblog.over-blog.com. Et puis de toute façon, en tapant sur Internet, Maison de la Résistance de Bure, on trouve évidemment toutes les informations. Donc n'hésitez pas à passer à la maison pour quelques jours pour filer un coup de main et puis éventuellement participer à la lutte. Si le projet vous plaît bien, c'est aussi un projet de vie en collectivité, de vie en commun, avec une association qui fonctionne donc à beaucoup plus petite échelle, comme le réseau Sortir du Nucléaire, c'est-à-dire en collégial, avec des coprésidents. Et puis des réunions régulières où dans la mesure du possible, et en général ça se passe assez bien, où les décisions sont prises au consensus. En tout cas, à la maison de Bure, c'est comme ça qu'on essaie de travailler. Donc voilà, n'hésitez pas si l'idée vous plaît et puis que vous avez envie d'aller passer un petit séjour dans la Meuse. D'ailleurs, c'est très joli, c'est vallonné, c'est assez agréable. Et puis il n'y a pas encore de déchets. Surtout, il n'y a pas encore de déchets. Donc, ça veut dire qu'à la fois, on ne se prend pas notre dos si on y va. Et puis, ça veut dire qu'on peut toujours faire quelque chose. Merci Laura Hameau. Et puis, merci Claudia Delahaye. Toi, tu vas avoir du temps prochainement. Tu vas peut-être pouvoir rejoindre le réseau Sortir du Nucléaire. Ouais, certainement, j'irai faire un tour. Et moi aussi, je vais faire mes petites annonces puisque l'émission Angle d'attaque reprend, ou plutôt continue. Le 30 août, sur cette même antenne, jeudi soir, 19h, il y aura une émission concernant le service de l'eau sur l'île, puisque un projet de retour en régie publique de l'eau est soutenu par un comité qui réunit plusieurs associations. Nous aurons comme invité Pierre-Yves Pira, qui préside ce réseau, et donc pour la suite, à la rentrée, il n'est pas certain que l'émission Angle d'attaque soit exactement sur le même créneau. Nous la continuons, c'est certain, mais je vous invite à regarder le site internet de Radio Campus pour savoir où nous serons placés, puisque la grille change. Voilà, eh bien, je vous remercie. Je remercie encore mes invités, et puis à une prochaine fois sur cette antenne. Au revoir.